Le rendez-vous pour célébrer l'élection du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Parti Travail de Corée s'est tenu le 10 à l'ambassade coréenne en Ouzbékistan, sous les auspices de l'Association des personnes âgées pour la tradition de la culture coréenne de l'Ouzbékistan. Y ont pris part les cadres de cette association, les chefs des troupes artistiques et des compatriotes, ainsi que d'autres ressortissants coréens. Les participants ont fleuri et rendu hommage devant la photo du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le rendez-vous pour féliciter cette occasion a eu lieu le 10 au centre coréen à Bishkek, sous les auspices de l'Association des Coréens au Kirghizistan pour la réunification.